إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Naam, donc on commence aujourd'hui le cours 19 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui au chapitre qui s'intitule Babun Maja'a fil Kadhib, c'est-à-dire le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du mensonge. Et le mensonge fait partie des grands péchés. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a différents degrés de mensonge. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné différents versets à ce sujet. Et le premier verset qu'il a cité, c'est le suivant. Il dit « Wa qawlu Allahi ta'ala, innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allahi wa ula'ika humul kadhibun. Wa qawluhu ta'ala, ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم. نعم. Donc les versets qu'on a cités, le premier c'est le verset 105 dans sourate An-Nahl, 105 dans sourate An-Nahl, et le verset en question il dit ce qui signifie: seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs, et ceux-là sont les menteurs. Donc ceux qui inventent un mensonge, c'est uniquement ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, au verset d'Allah, et ceux-là sont les menteurs. Et dans le verset, le deuxième verset qui est cité, c'est le verset 10 dans surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils mentaient, parce qu'ils mentaient. Et le verset 7, le verset 7 dans Surat al-Jathiyah, c'est le troisième verset qui est cité, le verset 7 dans Surat al-Jathiyah. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Waylun li kulli affakin athim ». Et « Waylun », ça veut dire, c'est comme, yani pour dire le malheur ou le châtiment. لكل أفاك أثيم. أفاك, c'est celui qui invente des mensonges, celui qui invente des fausses histoires. Ça vient de ifk. Donc al-affak, c'est celui qui invente beaucoup de mensonges, hein. Et al-athim, ويل لكل أفاك أثيم. Athim, c'est un pécheur, celui qui fait beaucoup de péchés. Et le péché en arabe, on peut l'appeler ism. Ism. Donc al-athim, c'est celui qui fait des péchés. Ismun. Et alif, tha, mim. Ismun. Ok. Donc ism, c'est un péché. Aussi, il y a d'autres termes pour le dire, mais ça c'est un des termes. Donc waylun li kulli affakin athim. Affak, c'est l'imposteur, le menteur. Et athim, c'est le pécheur, celui qui fait des péchés, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va maintenant lire l'explication de ces versets tels que le Cheikh Al-Fawzan les a expliqués. Il dit: قوله باب ما جاء في الكذب الكذب هو ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع فإن كان متعمدا في أخباره فهو آثم وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه وإنما يسمى حديثه كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب كبيرة من كبائر الذنوب لأن الله سبحانه تواعد عليه فقال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Donc le cheikh il dit que lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a intitulé ce chapitre, le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui est venu au sujet du mensonge, al-kadhib en arabe c'est le contraire de al-sidq, c'est-à-dire le contraire de qu'est-ce qui est véridique, de qu'est-ce qui est vrai. Et c'est d'informer ou de donner une information, de dire quelque chose qui est contraire à la réalité de cette chose. De dire quelque chose ou donner une information sur quelque chose, mais qui est en contradiction avec la réalité. C'est ça le mensonge. C'est ça la signification de Al-Kadhib. Et il y a deux possibilités, ou il y a deux cas. Soit que la personne, elle dit le contraire de la réalité intentionnellement, volontairement, ou soit qu'elle le dit involontairement. Donc le cheikh il explique, si la personne elle dit le contraire de la réalité volontairement, dans ce cas-là, elle est dans le péché. Elle a commis un péché parce qu'elle a déformé la réalité. Et elle a donc menti. Donc ça c'est un péché. Toutefois, si elle a déformé la réalité ou elle a dit quelque chose qui est faux, sauf qu'elle n'a pas fait intentionnellement, dans ce cas-là, elle n'a pas de péché, mais on va quand même appeler ça un mensonge. Ok? Donc on peut dire à quelqu'un qui dit quelque chose qui est incorrect, qu'il a menti, même si ce qu'il dit, il ne l'a pas dit intentionnellement. Même si ce qu'il a dit de faux est pas intentionnel, on l'appelle quand même un mensonge, hein, que c'est un kadhib. Et il dit innama yusamma hadithuhu kadhiban li'annahu khilaf al-waqi'. Donc il dit le al-kadhib, il dit le mensonge, ça fait partie des grands péchés. Et il dit la raison pourquoi ça fait partie des grands péchés, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait une menace à propos de celui qui ment. Et il a mentionné la malédiction sur les menteurs. Il dit fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin. Nous allons mettre la malédiction sur les menteurs. Et on a expliqué au début du livre que un grand péché, c'est tout péché qui a été accompagné d'une malédiction ou d'un châtiment, soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ou yani d'une menace quelconque. Et on a donné plusieurs exemples de ça. Donc les grands péchés, comme on l'a expliqué au début, dans les premiers cours, on a expliqué la différence entre les grands péchés et les péchés ordinaires, les petits péchés. Et que les grands péchés, c'est des choses qui sont faites, mais qui Allah a mentionné au sujet de cette action ou de cette parole, que c'était, par exemple, quelque chose qui méritait une menace ou un châtiment ou une malédiction. Et des choses de ce genre. On en a parlé de ça dans plusieurs exemples, on a mentionné dans plusieurs cours. C'est comme une règle chez les ulama, que c'est ça la définition d'une kabira. Que soit il y a une punition ou un châtiment dans cette vie d'ici-bas ou dans l'autre, ou soit une malédiction, ou soit une menace, yani, ou ainsi de suite. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va mettre la malédiction. Allah met la malédiction sur celui qui ment ou sur les menteurs. Ça, c'est le verset 61 dans Surat Al-Imran. Donc, le cheikh maintenant, il va expliquer qu'il y a différentes catégories de mensonges. Il y a différents degrés. D'accord? Donc, il y a des formes de kadhib, de mensonges, qui sont kufr. Il y a d'autres qui sont juste parmi les péchés, mais qui ne sont pas kufr. Et on va expliquer ça clairement, inshallah. Donc tous les péchés ne sont pas la même, sont pas la même gravité. Il dit wa awwaluhu, wa al-kadhibu 'ala aqsam, awwaluhu al-kadhibu 'ala Allah jalla wa 'ala. Wa hadha a'zamu al-kadhib. Donc le mensonge, il est divisé en différentes catégories. Et la première catégorie, Wa alaykum assalam wa rahmatullah. La première catégorie de mensonge, c'est de mentir contre Allah. Mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus grand mensonge. La plus grande forme de mensonge. Il dit, كَأَنْ يَقُولْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا أَوْ أَحَلَّ كَذَا بِغَيْرِ عِلْمٍ. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il dit, Allah, il a rendu telle chose haram, ou il a rendu telle chose halal, sans science. Tu dis ça, sans science. Ça veut dire que tu inventes un mensonge contre Allah. Et le cheikh, il cite des versets, il dit, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. C'est-à-dire, ce qui signifie, et qui est plus injuste que celui qui invente contre Allah un mensonge. C'est le verset 21 dans Sourate Al-An'am. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne un autre exemple aussi. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc le cheikh il explique ensuite que il y a un autre verset qui est dans sourate An-Nahl, le verset 116 et 117, verset 116 et 117 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne yani la gravité et le péché de rendre halal ou déclarer des choses halal ou haram sans science. Le sourate An-Nahl, les abeilles. Naam. C'est la sourate 16, hein, An-Nahl, et c'est les versets 116 et 117. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite, ceci est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera peut-être une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Naam. Donc ça c'est à propos de mentir à propos d'Allah. Et mentir à propos de la religion d'Allah, c'est comme si c'est la même chose. Si tu dis par exemple, hein, quelqu'un il ment à propos de la religion, il dit quelque chose qui est contraire à la vérité à propos de l'islam. Il a menti à propos d'Allah. Hein, parce que la religion d'Allah, c'est la parole d'Allah, c'est la révélation d'Allah, c'est la législation d'Allah. Donc si tu dis quelque chose qui est contraire à la vérité qu'est-ce que Allah a révélé dans sa religion, eh bien c'est équivalent à mentir contre Allah. Le cheikh il explique aussi, il dit وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا سَبَقَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ بِأَنْ يُقَالَ إن لله شريكا يستحق العبادة معه أو قول من قال من اليهود والنصارى إن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون. Donc le cheikh il dit, et parmi les formes de mensonges contre Allah, il y en a une forme qui est encore plus grave, c'est de mentir contre Allah avec du shirk, c'est-à-dire de mentir contre Allah en inventant des mensonges sur Allah, en disant des choses qui vont faire tomber les gens dans le shirk à cause de ça. Donc par exemple, quelqu'un qui dirait Allah a un partenaire qui mérite l'adoration avec Allah, qui mérite l'adoration avec lui. Donc ça c'est, hein, c'est grave, ça amène les gens au shirk. Parce que tu dis, tu peux adorer quelqu'un d'autre avec Allah. C'est son partenaire, c'est le partenaire d'Allah dans l'adoration. Ça, c'est shirk. Hein? Donc, c'est grave. Ou bien, comme les chrétiens et les juifs, quand ils disent qu'Allah a pris un fils. Ça aussi, c'est un grand mensonge. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce qu'ils disent. Et il dit, le cheikh, ensuite, وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ تُؤَوِّلَ وَتُحَرِّفْ عَنْ مَعَانِيهَا ثم يقال هذا مراده بها نسأل الله العفو والعافية أو يجحدها وينفيها عنه. L'exemple aussi parmi les mensonges contre Allah, c'est lorsque quelqu'un ment contre Allah dans ses noms et dans ses attributs. Il ment contre Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et la façon dont cela se produit parfois, c'est que quelqu'un va changer le sens réel de ce que signifie ce nom ou cet attribut. Ou bien il va falsifier le sens ou il le déforme. Donc, comme par exemple Al-Asha'ira ou Al-Jahmiya, les autres, les Mu'tazila, les gens de Bid'a, ils vont dire par exemple, quand ils vont voir ils entendent le verset Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône, eux ils disent non, ça ne veut pas dire Istawa, ça ne veut pas dire irtafa'a wa ala ala arshihi, ils disent ça veut dire istawla ala al-arsh, c'est-à-dire ils disent ça veut dire que Allah a conquis le trône, comme si avant il y avait quelqu'un qui était sur le trône, puis Allah il est venu, puis il a conquis et il a repris son trône. Yani c'est totalement ridicule et c'est une déformation du sens réel de ce que signifie al-istiwa, parce que al-istiwa ça ne veut pas dire la même chose que istawla, et al-istila c'est une signification totalement fausse, parce que ça implique que quelqu'un aurait le trône d'Allah, autre que Allah. Ça, il n'y a pas de doute que c'est batil. Hein? Et aussi la même chose avec les autres attributs d'Allah, comme par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةَ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمْ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des juifs que ils ont dit que la main d'Allah est fermée. C'est-à-dire, ils accusent Allah d'être avare et de ne pas donner de ses grâces. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Ben, certes, ces deux mains sont grandes ouvertes, ils donnent de ses grâces comme ils veulent. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il n'est pas avare. Et ses mains sont grandes ouvertes. Et ça veut dire que, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, on l'affirme tel qu'il l'a dit. Et il dit aussi à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Hein? Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Et eux ils disent non, c'est pas la main, c'est la force. La main ça veut dire la force, ou la main ça veut dire la grâce. Donc ça veut dire que ce que Allah a créé avec ses deux grâces, ou ce que Allah a créé avec ses deux forces, ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, ça c'est des exemples de tahrif. Et on retrouve ces formes de tahrif chez les Asha'ira et les Maturidiya, qui sont répandus aujourd'hui dans les pays musulmans, et aussi chez les sectes qui les ont précédés, parmi les Mu'tazila et les Jahmiya, parmi les gens de l'égarement. Donc ça c'est des formes de kadhib, des formes de mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, celui qui nie carrément leur signification et qui nie carrément la tribu elle-même. Il dit non, Allah il n'a pas de main, il n'est pas au-dessus de son trône. Il nie ce que Allah a affirmé. Ça c'est du kofr, c'est grave. Donc il faut faire attention à ça. Un autre exemple aussi, ثانياً الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا أو أحل كذا وليس الأمر كذلك ويدخل في هذا رواية الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم ونسبتها إليه وهو لم يقلها صلى الله عليه وسلم لأن كلامه صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc le cheikh il dit aussi, deuxièmement, parmi les formes de mensonges qui sont très graves et qui sont encore plus graves que les autres, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné? Le premier c'était de mentir contre Allah, le deuxième c'est de mentir contre le messager d'Allah. Ça aussi, ça représente un mensonge contre Allah et contre la religion. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même. C'est une révélation qui lui est révélée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Donc il ne parle pas selon la passion, c'est uniquement une révélation qui lui a été révélée. Donc le cheikh il explique que Al-Kadhib, le fait de mentir contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu dis par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose ou il a rendu halal telle chose alors que c'est pas le cas. Donc ça c'est très grave. Ou bien tu rapportes ou tu ramènes une narration de hadith qui est fabriquée ou qui est mensongère. Et souvent les gens ils lisent des livres où il n'y a pas de vérification des hadiths, hein, des livres parfois écrits par des gens qui ne vérifient pas les hadiths. Et dans le livre, il y a des hadiths qui sont sahih et d'autres qui sont da'if, et d'autres qui sont parfois même maudour. Hein. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Tous les hadiths qu'ils trouvent, ils les prennent comme si c'était tous des hadiths sahih. Ça, c'est pas correct. Donc, si tu sais qu'un hadith qui est batil, ou qui est makdoub, ou bien qui est maudour, il y en a, tu ne dois pas le mentionner sans avertir les gens que ça c'est un hadith qui est batil, qui est faux, tu vois. Donc ça c'est très très important. Et si tu le transmets malgré que tu le sais ou si tu ne le sais pas, eh bien il faut faire attention, te renseigner, vérifier l'authenticité du hadith avant de le prendre et avant de l'appliquer, même de l'enseigner. Et ici le cheikh il dit de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mensonge aussi, parce que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est une information qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? C'est Allah qui lui inspire. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim. Selon Al-Mughira et Abi Huraira, ils ont mentionné ce hadith et il est rapporté par de nombreux rapporteurs, ce hadith-là. Et même certains ulamas qui ont ramené toutes les chaînes de transmission de ce hadith, ils ont dit qu'il est mutawatir. Donc il est tellement mentionné par un grand nombre de personnes qu'il n'y a pas de doute, hein, aucun doute sur son authenticité. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment sur moi volontairement, alors qu'il prépare sa chaise dans l'enfer. C'est comme s'il a préparé sa chaise, hein, ou son siège dans l'enfer. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Et vous avez parmi les gens de Bid'ah, comme les Soufia et les Shia, eux ils n'ont pas peur de mentir. Pour eux le mensonge c'est halal. Hein. Même que les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. Ça on a entendu des gens qui disent ça. Yani, on ment pas contre lui, on ment pour lui. Yani, que tu mentes pour ou contre lui, les deux c'est du mensonge. Et c'est pas permis. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, ثالثاً الكذب على أهل العلم بأن ينسب لهم الأقوال في المسائل والأحكام والفتاوى ولم يقولوها وإنما نقلها الناقل ليؤيد رأيه أو فكره أو ما يدعو إليه فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على الله وعلى ورسوله صلى الله عليه وسلم فالعلماء ورثة الأنبياء. Donc le cheikh il dit troisièmement également, parmi les formes de mensonges qui sont très graves et qui ont rapport avec la religion, c'est le fait de mentir contre les hommes de science, contre les savants. Donc qu'est-ce que la personne elle fait? Elle fait quoi? Elle prend des paroles et elle les attribue aux savants. Elle leur attribue des paroles dans les questions de la religion, dans les règles de la religion, dans les fatwas. Hein, puis, en réalité, les savants, ils n'ont jamais dit ça. Hein? C'est comme, par exemple, tu dis, ah, tel cheikh, il a dit ça. Ou tel cheikh, il a dit ça. Hein? Donc, tu inventes des mensonges sur les savants. Et ça, bon, chez les gens de Bid'a, tu retrouves souvent des mubtadi'a qui mentent sur les savants pour les dénigrer, ou pour les insulter, ou pour les rabaisser. Hein, parce qu'ils ils les aiment pas, ils aiment pas les gens qui appellent au tawhid et à la sunna, donc ils veulent essayer de éloigner les gens de ces savants là. Ils veulent pas que les gens retournent aux vrais savants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, un tel il a dit telle chose, et c'est un mensonge. Hein? Pourquoi? Pour que les gens disent, ah mais ça c'est pas bon, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ça, tu vois. Comme ça, les gens vont s'éloigner des ulama. Donc ça, c'est des shayatin. Les gens qui agissent comme ça, c'est des diables. Parce qu'ils mentent et ils déforment la réalité des paroles des ulama pour éloigner les gens de la voie de la vérité, de la sunna. Il y a d'autres également qui mentent sur les ulama, parfois, pourquoi? Parce qu'ils veulent juste défendre leur propre opinion. Comme par exemple, ils discutent avec quelqu'un, il veut avoir raison, et il dit, « Ah, mais qu'est-ce que je dis, là, tel cheikh, il a dit la même chose. » Quand tu dis, « Ah oui, il a dit la même chose, amène-moi la preuve, amène-moi sa parole. Où est-ce qu'il l'a dit? Dans quel livre? Dans quel audio? Dans quel cours? Fais-moi entendre, montre-moi. » Et là, quand il l'amène, tu vérifies, tu dis, « C'est même pas ça ce qu'il a dit, le cheikh. Il a pas du tout mentionné ce que tu prétends. » Il n'a même pas dit la même chose que toi, il dit même des fois le contraire, des fois, de la personne. Donc, ça c'est très grave, de mentir contre les ulama, c'est très grave. Et le cheikh il dit, la personne elle fait juste transmettre cette parole des savants de façon déformée, pour défendre son opinion, défendre son idée, et ce à quoi elle appelle. Et il dit que les ulama, donc de mentir contre les ulama, eh bien, c'est comme si tu mentais contre Allah et son messager. Si tu mens contre les ulama, c'est comme si tu mentais contre Allah et son messager. Et il dit parce que les ulama sont les héritiers des prophètes. Les ulama sont les héritiers des prophètes. Et ça, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad, et l'imam Abu Dawud, et également At-Tirmidhi, selon Abi Darda, qui dit que les prophètes sont les ulama sont les héritiers des prophètes. Et après le cheikh il explique comme quatrième point, il dit rabi'an al-kadhib 'ala an-nas kal-kadhib fi al-bay'i wash-shira wan-nikahi wa sa'ir al-mu'amalat wa idha kana al-kadhib fi shari'atina la yajuzu 'ala man khalafuna fi dinina fa huwa min bab awla la yajuzu 'ala al-muslimin. Le cheikh il dit de mentir sur les gens, ça aussi c'est interdit. Dis comme tu vas mentir dans le commerce, quand tu vends, quand tu achètes, tu mens dans le mariage, tu mens dans les différentes interactions que tu as avec les gens, dans les contrats, dans les toutes sortes de choses comme ça, tu mens aux gens. Il dit ça c'est interdit dans notre sharia. Il n'est pas permis même de mentir à ceux qui nous contredisent dans la religion, comme par exemple les kuffars. Les juifs, les chrétiens, on n'a pas le droit de leur mentir. Donc si on n'a pas le droit de mentir aux kuffars, eh bien c'est encore pire si tu mens à des musulmans. Hein? Donc c'est pour dire qu'il y en a des gens qui pensent que parfois c'est permis de mentir aux kuffars. Mais c'est pas grave, c'est des kuffars. Non, même des kuffars, tu n'as pas le droit de leur mentir. Hein? Même des kuffars, tu dois être véridique avec eux. Donc imagine, si c'est un musulman, c'est encore plus grave. Hein? Mais il y en a malheureusement, ils n'ont aucune gêne. Aucune gêne de mentir même à des musulmans. Et ils vont faire des commerces avec des musulmans, ils les trahissent, ils leur mentent, ils trichent, hein? Ils font un contrat avec des musulmans, ils manquent aux conditions du contrat, ils ne respectent pas les conditions du contrat, et des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples de choses qui sont très très graves. Et le cheikh il dit, وكذلك فإن من الكذب على الناس نقل الأخبار دون تثبت وتحقق فمن الناس من يستمع بنقل الأخبار حتى وإن كانت كاذبة أو مختلقة يريد أن يشبع نهمته ويضيع وقته وما عرف أن خبرا كاذبا قد يكون سببا في إراقة الدماء أو يكون سببا في هدم البيوت والأسر أو قطع حبال المودة والقربة أو حدوث ما لا تحمد عقباه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le cheikh il dit que également si le mensonge c'est également parmi les gens, des fois les gens se transmettent des informations sans vérifier la source ou sans vérifier la véracité de l'information en question, et dans ce cas-là les gens ils vont entendre ces informations-là, et parfois, même si c'est pas vrai, même si c'est des mensonges, les gens continuent à les écouter et à les transmettre. Et, ça c'est grave. Et donc la personne, des fois, il y a des gens qui aiment ça, juste perdre leur temps, écouter des ragots, écouter des mensonges. Et le cheikh, il dit que la personne en question, elle n'a pas réalisé que cette fausse information-là, elle peut même être la cause de la mort de cette personne. Peut-être qu'à cause de ça, elle va se faire punir, ou elle va se faire tuer, ou des choses de ce genre. Ça peut également être la cause de la destruction de sa famille et de sa maison. Hein? Il va perdre tout son honneur, il va perdre sa vie, il va perdre son argent. Et on a vu des exemples comme ça. Subhanallah, j'écoutais des histoires à l'époque en Europe avec certains rois en Angleterre. Lorsque par exemple quelqu'un venait au roi puis disait par exemple un tel, il a dit telle chose ou il a fait telle chose, hein? Même pas, il vérifie même pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il dit ok, d'accord, il va être exécuté. Ajib, subhanallah, tu vas même pas vérifier et demander à la personne est-ce que c'est vrai ou non. Tout de suite tu vas l'envoyer comme ça à l'exécution. Hein? Oui, faites-le brûler, coupez-lui la tête, des choses comme ça. Donc c'est pour dire, hein, à notre époque, les gens prennent les choses à la légère, tu vois. Les gens ils réalisent pas. Qu'est-ce qui sort de leur bouche, ça leur dérange pas, parce qu'ils disent, de toute façon, à notre époque, il y a des droits, il y a de la liberté, on va pas se faire d'injustice. Il faut jamais prendre les choses pour acquis. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe dans certains pays, dans le monde. Des gens qui, par exemple, quand il y a des situations où il y a la panique générale dans la société, et le gouvernement déclare la situation des règles d'urgence, il n'y a plus de droits. On rentre chez toi à n'importe quelle heure, on te prend tes affaires, on te menotte, on te met par terre. Et puis on t'amène au poste, on peut te laisser dans un cachot, on peut te laisser dans une prison pendant 20 ans, on te fait sortir par la suite, on dit on s'excuse, on s'était trompé. Hein? Mais c'est pas au Moyen-Âge là, hein? C'est aujourd'hui, ça se passe. Donc les gens ils pensent que l'injustice ça n'existe plus. Non, l'injustice a toujours existé, et c'est pas l'époque moderne qui nous a enseigné l'injustice ou la justice. Ça c'est des choses, ça a toujours existé et ça va toujours exister. Mais en même temps, si on est véridique puis on s'accroche à la religion d'Allah, on va toujours être droit, on va toujours être véridique. Et c'est pour ça que les juges, quand ils sont justes et quand ils sont honnêtes, ils écoutent qu'est-ce que les accusés ont à dire pour qu'ils puissent se défendre et clarifier la chose réellement, pour pas que quelqu'un juste les accuse sans preuve et puis que par la suite il n'y a pas de moyen de se défendre. Hein. Peut-être même quelqu'un aujourd'hui va dire quelque chose contre toi. Hein. Tu sais même pas c'est qui et tu sais même pas dans quel contexte il dit, il écrit un rapport sur toi. Et puis ça rentre dans les dossiers. Après, ils prennent ça, ils regardent. Ah bon, un tel, il est comme ça. Tu sais pas qui a ramené le rapport, qui a défini ça, qui a donné ces renseignements-là. Est-ce que c'est des gens honnêtes? Est-ce que c'est des gens véridiques? Non, on sait rien. Puis quand tu demandes la preuve, ou quand tu demandes la vérification, on dit, mais on veut savoir qui a dit ça. Ah, on est désolé, on ne peut pas vous donner ces renseignements-là. Ça, c'est des renseignements secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois qu'ils ont décidé ça sur toi, ça a été fini. Ça, c'est grave. Ça, c'est des mensonges. Hein? Et donc, si on ouvre cette porte-là, ça veut dire l'injustice se propage parmi les gens. Et puis après, il n'y a plus de sécurité. Et donc, le cheikh, il dit, tout ça, ça détruit les maisons, ça détruit les familles, ça détruit l'amour et les liens même les liens de parenté entre les gens, et ça ramène des conséquences qui ne sont pas louables. Hein. Et donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans son livre, dans le Coran, le verset 6 dans Sourate Al-Hujurat, ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la. Hein, pour, parce que sinon vous risquez d'atteindre, de porter atteinte à des gens par ignorance et par la suite vous auriez des remords d'avoir fait ça, d'avoir agi avec injustice. » Il dit « Wa lihada ja'at al-ayat allati saqaha al-musannif rahimahullah » لتبين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عذاب أليم أي موجع مهين. وفي الآية الأخرى قال ويل لكل أفاك أثيم, والويل هو وعيد شديد, والأفاك هو كثير الإفك وهو الكذب. Donc le Cheikh il dit c'est pour ça que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné les versets qui vont clarifier la grandeur et la gravité du châtiment qui attend les mensonges, les menteurs pardon, et que c'est un châtiment douloureux, c'est-à-dire qui fait mal, et un châtiment qui est humiliant. Et en même temps aussi, dans un autre verset, il dit « Waylun li kulli affakin athim » Il dit « Al-wayl » c'est une menace sévère. Et il dit que « Al-affak » c'est celui qui ment beaucoup. Et « Yani » c'est « Al-ifk » justement, d'où vient le mot « Affak » celui qui ment beaucoup. Ça vient du mot « Al-ifk » en arabe, et ça, c'est équivalent au mot « Kadhib » c'est-à-dire le mensonge. Ensuite, le Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté selon Ibn Mas'ud, pardon, radiyallahu anhu marfou'an, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-janna, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, wa ar-rajulu yakdhib hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Et dans une autre narration, dans Al-Muwatta, il dit « Wa fil Muwatta, la yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib fayankutu fayunkatu fi qalbihi nuktatun sawda fayaswaddu qalbuhu fayuktabu 'inda Allahi min al-kadhibin. » Donc le Cheikh il dit, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la véracité d'être véridique, ça amène à la bonté. Et la bonté, ça amène au paradis. Hein, ça guide au paradis. Et l'homme continue à être véridique jusqu'à ce qu'il soit un véridique. Et le mensonge amène ou guide vers la perversité. Vers la perversité. Et la perversité et le péché mènent vers le feu. Et l'homme continue à mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration que le Cheikh a rapportée, dans Al-Muwatta, il dit que l'homme continuera à mentir et à se forcer à rentrer dans le mensonge jusqu'à ce que son cœur soit marqué d'un point noir au moment où il ment. Et son cœur va continuer à se noircir, et plus qu'il continue à mentir, son cœur continue à devenir noir jusqu'à ce que Allah l'écrive parmi ceux qui sont des menteurs, parmi les menteurs. Wala'iyadu billah. Donc le Cheikh il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith. Il dit qawluhu sallallahu alayhi wa sallam فيما رفعه ابن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع, فإن المسلم إن بقي ملتزما بالصدق فيما يقول ويفعل فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت, لأن هذا الصدق يقود إلى البر, والبر هو جماع الخير, فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى والبر من أعلى مراتب الدين. وهو يهدي إلى الجنة أي إن الالتزام به سبب في دخول الجنة. Donc le Cheikh il explique que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne selon Ibn Mas'ud que la véracité ça guide vers la bonté et la bonté amène au paradis. Et la véracité c'est le fait que lorsque tu parles de quelque chose, tu dis quelque chose, c'est en accord avec la réalité. Hein, ça correspond à la réalité. Qu'est-ce que tu dis? Ça correspond à la réalité. Donc, le musulman, tant qu'il reste accroché à la véracité et à être véridique dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, alors, ça veut dire que s'il veut dire quelque chose, il se force à être véridique et à vérifier tout ce qu'il dit, pour être sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Et le fait d'agir de cette façon-là, ça va l'amener à la bonté et à la piété. Et c'est ça, et la bonté et la piété, c'est qu'est-ce qui réunit tout le bien. C'est comme la piété, al-birr, al-taqwa, al-iman. Tous ces termes-là ont le même sens. Hein? Par exemple, il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله يعني il énumère toutes les éléments de la foi et les bonnes œuvres. C'est pour dire que al-birr, si tu le mentionnes de cette façon, c'est de façon absolue, ça veut dire que ça a la même signification que al-iman, la même chose que at-taqwa. Et tous ces termes là ça comprend tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est bien. Hein? Et donc c'est ça al-birr. Et donc, quand tu es véridique, tu développes la piété, tu développes la bonté, tu développes la foi. Et ça, c'est des choses qui amènent au paradis. Parce que la bonté, c'est un des plus hauts degrés de la religion. Et donc, ça amène au paradis. Et donc, ça va être une cause, si tu restes ferme et sérieux dans ça, dans cette façon d'agir, d'être véridique tout le temps, et de toujours dire la vérité, et d'agir de façon véridique, ça va être une cause pour que tu rentres au paradis. ثم إنه بعد ذلك, hein, parce que en fait, si tu dis toujours la vérité, eh bien, tu peux pas te tromper. Si tu dis toujours la vérité, tu peux pas te tromper. Et qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que les gens, hein, c'est-à-dire que les gens prennent l'habitude de mentir. Des fois, il y a des gens qui prennent l'habitude de mentir. Et quand ils mentent, ils se trompent par la suite, ils se trompent dans leurs mensonges. Et c'est comme ça que souvent ils se font prendre. Et ça les amène à une mauvaise voie. Tandis que le véridique, il est véridique même quand c'est contre sa propre personne. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ça signifie: oh les croyants, observez strictement la vérité, la justice, et soyez témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, et vos proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, d'un pauvre. Allah a priorité sur eux. Hein? Allah a priorité sur eux deux. Et il est le plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas la passion, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, c'est-à-dire vous refusez de témoigner, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et l'autre verset, ce verset-là, c'est le verset 135 dans Sourate An-Nisa. Et l'autre verset, c'est le verset 8 dans Sourate Al-Ma'ida. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô les croyants, soyez stricts dans votre devoir envers Allah et soyez des témoins véridiques, hein? Et des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, juste, hein, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc c'est pour dire que le mu'min, il doit être véridique, même si c'est contre lui-même. Hein? Même si c'est contre lui-même, même si c'est contre son père et sa mère. Il y a des gens aujourd'hui, non, ils vont mentir pour protéger sa personne, protéger ses parents, son père et sa mère. Il va mentir pour protéger ses proches. Il va mentir si un riche, hein, a fait un crime, il va mentir si c'est un riche pour qu'il lui donne de l'argent. Si c'est un pauvre, non, il va témoigner contre lui, il va mentir. Hein? Pour le condamner, c'est pas grave. Hein? Parce qu'il n'a pas peur du pauvre. Toutes sortes de choses comme ça. Alors que tu vois que dans le Coran, non, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ça de cette façon. Et donc le cheikh il dit ensuite, ثم إنه بعد ذلك بعد ذلك يستحق وصف الصديقية وهي درجة عالية من درجات الإيمان. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهم بعد نبيين في الدرجة فالأصل في المسلم أن يربي ويوطن نفسه على الصدق في القول والعمل حتى يألفه فيكون في زمرة الصديقين فلقد سمي الصديق أبو بكر بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه ففاز بهذا اللقب رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, puis à force de continuer d'être toujours véridique et de dire la vérité, eh bien tu mérites la description et la caractéristique d'être quelqu'un qui est siddiq, c'est d'être toujours véridique. As-siddiq, celui qui est toujours véridique. Et c'est un des degrés les plus hauts de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69 dans la sourate An-Nisa, ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les pieux et les vertueux. Ceux-là, quelle bonne compagnie ils sont. Et donc, c'est pour dire qu'ils sont dans le degré après le degré des prophètes. Les véridiques sont dans le degré après le degré des prophètes. Et la base chez le musulman, c'est qu'il s'éduque lui-même et il essaie de s'inculquer à lui-même le comportement, le caractère d'être véridique dans la parole et dans l'action. Jusqu'à ce qu'il aime être véridique et qu'il développe cette caractéristique-là en lui. Et donc qu'il fasse partie par la suite du nombre des véridiques. Et c'est pour cette raison que Abu Bakr a été appelé As-Siddiq, parce qu'il était tout le temps véridique. Et il s'est développé cette caractéristique-là en lui-même jusqu'à ce qu'il mérite, hein, et qu'il ait le succès d'avoir ce surnom, As-Siddiq. Hein? Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la khutba sur Ka'b ibn Malik. Hein? Ka'b ibn Malik. Et on voit dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, dans la bataille de Tabouk, quand il n'était pas parti, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il n'a pas menti. Il n'a pas dit des excuses fausses pour s'éloigner du blâme. Non, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, messager d'Allah, j'ai aucune excuse. Et je t'admets que je suis pas parti et que j'étais prêt, que j'avais tout ce qu'il fallait pour y aller. Mais je suis resté derrière. Et donc, je demande pardon à Allah. Je ne vais pas mentir. Et le résultat, c'est qu'il a été patient, il a été éprouvé. Pendant 50 jours, personne ne lui adressait la parole. Jusqu'à ce que Allah fasse descendre la repentance et le pardon. Pourquoi la récompense d'être véridique? Hein? Non. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que au début du hadith, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, habituellement quand il partait dans une bataille, il disait jamais à l'avance où il voulait aller, parce qu'il y a des espions, des ennemis. Donc, il disait toujours une autre direction, puis il partait toujours par une autre direction que celle où il voulait aller, excepté la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, il a dit directement, je m'en vais à Tabouk. Hein? Pourquoi? Pour que les gens soient au courant et pour qu'ils soient prêts. Que c'est un long voyage. Hein? Imaginez, moi, je me rappelle quand j'étais à Médine, une fois je suis parti en Jordanie, j'ai pris un autobus de Médine jusqu'à la Jordanie, et pour arriver à Tabouk, je pense que ça a pris, si je ne me trompe pas, il y en a peut-être 8 heures. Il y en a en bus juste pour arriver à Tabouk. Ça, c'est à travers le désert. À l'époque, c'est pas en voiture, c'est en chameau. Et donc, Tabouk, c'est une ville dans le nord de l'Arabie Saoudite. Ça sort pas, c'est près de la Syrie, hein, près de la Palestine. Donc, donc quand tu montes vers le nord, là, à un moment donné, tu arrives à Tabouk. Et c'était un poste, en plus, que tenaient les Romains. C'est pas un petit ennemi, hein? C'est un ennemi qui est fort, organisé, puissant, bien armé, hein? Donc les gens savaient à quoi s'en tenir, et c'est là qu'est apparue justement la différence entre les véridiques et les hypocrites, hein? Ceux qui sont restés derrière, hein? Et même il y en a un verset dans sourate, vous pouvez lire la sourate 9 dans le Coran, sourate Tauba, qui mentionne beaucoup de choses qui sont produites justement dans la bataille de Tabouk. Et il y en a un qui dit, comme si par exemple un verset qui dit La tamshi fil har, ne pars pas dans la chaleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond Qul naru jahannam ashaddu harra. Hein? C'est-à-dire la chaleur de l'enfer est plus forte encore, plus dure encore. Hein? Un autre verset dans lequel il dit, dans lequel un des hypocrites qui a dit au message d'Allah, Venli wala taftenni. Hein? C'est-à-dire, lui il disait, j'ai peur que si je vais là-bas à Tabouk, je vais voir les femmes des Romains, les femmes blanches, et je vais être éprouvé, parce que j'aime les femmes. Hein? Alors laisse-moi rester à Médine, et ne me mets pas dans la fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit Ala fil fitnati saqatu. N'est-ce pas que c'est maintenant qu'ils sont tombés dans la fitna, en refusant d'obéir au messager d'Allah et en voulant rester derrière. Donc, c'est la sourate qui a démasqué beaucoup d'hypocrites et beaucoup d'hypocrisie. Donc, et qui a en même temps montré et dévoilé beaucoup de véridiques et de ceux qui étaient véridiques. Donc, c'est pour dire que. Ça, c'est des caractéristiques, et le mu'min, il développe ces caractéristiques-là. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, al-kadhibu yahdi ila al-fujur. Ay, inna al-mar, iza asbah al-kadhib adatan lahu, fa inna hadha al-kadhibu sayakuduhu ila al-mayli an al-istiqamati wal-inbi'athi fil-ma'asi, wal-khuruji an ta'ati Allahi, ومن ثم فهو طريق إلى النار والفاجر لا تقبل منه شهادة ولا يستأمن والناس لا يصدقونه في كلامه فيصبح عند الناس ساقط المنزلة وهو عند الله كذابا. Donc le cheikh il dit, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que le mensonge, ça amène à la perversité et au péché. Donc lorsque quelqu'un, ça devient une habitude pour lui de mentir, eh bien, ça l'amène vers le fait de s'écarter du droit chemin et de la fermeté dans la religion, et à tomber dans la désobéissance et dans le péché, et de sortir de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc que c'est un chemin vers l'enfer, et le pervers ou le pécheur, son témoignage en cours et n'est pas accepté. Le menteur, son témoignage en cours et n'est pas accepté. Même s'il vient en cours pour témoigner pour ou contre quelqu'un, on ne peut pas l'accepter son témoignage, parce que c'est un menteur. Et on ne lui fait pas confiance non plus. Et même dans le hadith, hein, dans la science des hadiths, un rapporteur ou un narrateur qui est menteur, ça c'est une des pires caractéristiques chez le narrateur, on n'accepte pas son hadith. Jamais. Al-Kadhab, on n'accepte pas son hadith. Et c'est pour ça les ulama de Jarh al-Ta'dil, quand ils disent à propos d'un narrateur Kadhab, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas son hadith, jamais. Hein? Et donc, tu ne peux pas faire confiance. Et même Cheikh Rabi', j'écoutais une explication qu'il mentionnait, il disait même que le menteur, il est pire que le mubtadi'. Il dit Al-Kadhab, yani ashad min al-mubtadi'. Yani subhanallah. Alors que tu vois toutes les menaces et les avertissements qui ont été mentionnés à propos des innovateurs dans la sunna, et le menteur est plus dangereux que lui, plus menteur que lui. Donc c'est grave. Et donc il dit, tu ne peux pas lui faire confiance, et les gens ne le croient pas même quand il parle, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Le menteur, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il ment ou s'il dit la vérité. Et donc, il devient quelqu'un qui n'a plus aucune valeur. Hein? C'est quelqu'un qui a perdu toute sa valeur et son respect chez les gens. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un kazzab, un grand menteur. Et le cheikh il dit, وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصِّدْقَ وَسِيلَةٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالْكَذِبُ وَسِيلَةٌ لِدُخُولِ النَّارِ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? C'est que le fait d'être véridique, c'est un moyen pour entrer au paradis, et le fait de mentir et le mensonge, c'est un moyen pour entrer en enfer. Et donc, il dit, فَعَلَى الْمَرْءُ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِنَفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ أو الآفة القاتلة لا سيما في زمان انتشر فيه الكذب وتهاون الناس فيه. يعني le cheikh il dit donc que quelqu'un doit faire attention pour lui-même de ne pas tomber dans cette caractéristique dangereuse qui peut même tuer, comme il dit le cheikh, afatun qatila. Et il dit en particulier à notre époque où le mensonge est devenu quelque chose que les gens ont pris à la légère, comme si ce n'était pas grave. Hein? Aujourd'hui, Allah al-Musta'an, mentir, c'est devenu, comme on dit, banal, rakhis. Hein? C'est quelque chose qui, comme si rien n'était. Il y a des mensonges partout. Mensonges dans les médias, mensonges dans les journaux, mensonges à la télé, mensonges, hein? Tous les jours, on entend les mensonges du matin jusqu'au soir. Tellement à un tel point qu'on entend le mensonge souvent, que lorsque quelqu'un nous dit la vérité, qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on est tellement choqué, on n'arrive pas à y croire. Hein? On n'arrive pas à y croire parce qu'on n'est pas habitué de se faire dire la vérité ou d'entendre la vérité. Donc le shaykh il dit, فَلَا رَوَضَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ إِنْ كَذَبَ حَتَّى يُحَصِّلْ مَنْفَعَ أَوْ مَصْلَحَ فقد يكذب أصحاب الهوى ليفرق بين الناس بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض أو بين الرعية والراعي فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. Donc il dit donc que pour certains il y a aucun problème pour eux de mentir pour obtenir un bienfait ou un intérêt, et les gens de la passion, hein, qui suivent la bid'a ou des choses, ils mentent. Ou bien poursuivre la passion de leurs intérêts personnels, ils vont mentir pour diviser les gens, les uns contre les autres, ou pour diviser le dirigeant et la population, hein, les uns contre les autres. Et donc le musulman, il doit vraiment faire attention à ça, surtout à notre époque, surtout dans la politique. Tu vois, beaucoup de mensonges et de manipulations, et c'est-à-dire que tu vois que en tout cas beaucoup de choses qui sont dites qui sont pas vraies pour manipuler, pour tromper les gens, pour les égarer, pour les éloigner de la vérité, des choses comme ça, surtout chez les koufars. C'est que il y en a beaucoup qui mentent de façon tellement comme rusée, comme si c'est ils mentent pas mais ils disent pas la vérité, tu vois. C'est comme on dit, j'ai pas menti mais j'ai pas dit la vérité, tu vois. Donc c'est comme ça, ils vont pas dire la vérité aux gens, mais en même temps ils vont pas mentir parce que ils s'arrangent toujours pour avoir une issue pour s'enfuir. Un moyen pour dire, bon, si tu viens les voir après, tu leur dis, ben, t'avais dit ça. Ah, mais je voulais dire telle chose, ou je voulais dire telle chose. Hein? Donc, ça c'est dangereux. Et la raison pourquoi tous ces jeux-là et toutes ces choses-là, souvent, c'est parce que les gens se sont éloignés de la religion d'Allah. Donc, étant donné que les gens se sont éloignés de la religion d'Allah, dans la politique, dans l'économie, dans toute l'éducation, dans toutes sortes de choses, eh bien, les gens maintenant, plus personne n'a peur de mentir ou de dire qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc le musulman doit faire attention à toutes ces choses-là. Il dit, وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى فيكنت فينكت ينكت فينكت في قلبه نكتة سوداء فيعني يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين هذا كالحديث الذي قبله لكن فيه إضافة على ما تقدم وهو أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلب يعني يسود قلبه والعياذ بالله إذ هو النكتة السوداء هي الأثر أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرأة فكل نقطة نقطة في في شيء بخلاف لونه فهو يعني نكت ونكتة يعني نكت نكته نكته يعني فالمراد بها هنا سواد القلب. Le Cheikh il dit dans une des narrations du hadith, il dit que l'homme continue à mentir et il s'entraîne à mentir encore plus jusqu'à ce que son cœur il commence à avoir un point noir dessus. Puis il va continuer à noircir, plus qu'il continue à mentir. Et il va être écrit auprès d'Allah comme étant parmi les menteurs. Il dit que ce hadith-là, il est semblable au précédent, excepté que dedans, il y a la mention du fait que le cœur devient de plus en plus noir. Et à cause des points noirs qui s'ajoutent sur son cœur, il dit le cheikh que les points noirs, c'est comme une trace ou un point noir qui ressemble à une saleté sur un miroir. Et que, yani, c'est quelque chose qui est contraire à sa couleur habituelle. Et donc, yani, son cœur devient complètement noir avec le temps. Et donc ça c'est grave. Il y a d'autres hadiths, ou pas, yani, il y a des hadiths et il y a aussi des versets même dans le Coran qui mentionnent cet exemple du cœur qui change de couleur ou qui devient noir ou corrompu ou rouillé, comme le verset qui dit كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الران على القلب. Les ulama ils ont mentionné que c'est comme quand quelqu'un fait un péché puis ça fait une tache noire sur son cœur jusqu'à ce qu'il se repente. Hein? Sinon, son cœur devient complètement noir. Et Arran, c'est quoi? C'est quand il devient complètement noir et qu'il ne peut plus par la suite distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Hein? Ça, c'est Arran, ala al-qalb. A'udhu billah. Donc, tout ça, c'est des choses très, très dangereuses, très graves. Le Cheikh, il dit ensuite, « Wafihi » الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنصور عن نوت حديث إذ وفيه عن صفوان بن سليم قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم قيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل أيكون المؤمن كذابا قال لا وللترمذي وحسنه عن ابن عمر إذا كذب العبد تباعد عنه الملائكة ميلا من نتن ما جاء به. طيب. Donc le premier hadith que le cheikh il a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté par Naam, qui est rapporté dans Al-Muwatta, donc la Muwatta de l'imam Malik. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith là? On a dit au messager d'Allah, est-ce que le croyant, il peut être, est-ce que le croyant, il peut être menteur? Il a dit, ça c'est à la fin, il a dit non. Mais avant ça, ils lui ont posé la question, est-ce que le croyant peut être peureux? Il a dit oui. Est-ce que le croyant peut être avare? Il a dit oui. Après, on lui a posé la question, est-ce que le croyant peut être menteur? Il a dit non. Et dans l'autre narration qui est rapportée par At-Tirmidhi et authentifiée par authentifié par l'imam al-Tirmidhi, c'est-à-dire déclaré Hassan par al-Tirmidhi, selon Ibn Omar, radiallahu anhu. Il a dit, lorsque le serviteur meurt, les anges s'éloignent de lui d'une distance à cause de la puanteur de ce qu'il a ramené, de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le mensonge qu'il a dit, ça a une odeur qui est mauvaise et ça fait que les anges s'éloignent de lui. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lamma su'ila ayakunu al-mu'minu jabalan qala na'am qila ayakunu al-mu'minu bakhilan qala na'am qila ayakunu al-mu'minu kazzaban qala la ma'nahu anna al-mu'min قد يكون جبانا أي بالطبع فهو شيء نفسي لا يعاقب عليه وقد يكون بخيلا بالطبع لأن النفس مجبولة على حب المال قال سبحانه وتحبون المال حبا جما فهي صفة نفسية ليست من اكتسابه ولكن يستطيع أن يتغلب عليها بالمجاهدة وحملها على التصدق والإنفاق وهو غير مؤاخذ بذلك إلا إذا حملته هذه الصفة أن يمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق على من يعول أما أن يكون المؤمن كذابا فلا لأن الكذب صفة للمنافقين. Donc le cheikh il dit, lorsque on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le croyant peut être peureux, il a dit oui. Est-ce qu'il peut être avare? Le croyant, est-ce qu'il peut être avare? Il a dit oui. Et on lui a posé la question, est-ce que le croyant peut être menteur? Il a dit non. Et il dit, ça signifie que quand on dit que le croyant peut être peureux, ça veut dire que, c'est-à-dire dans sa nature. C'est-à-dire dans sa nature, c'est une chose qu'il a en lui-même, dans sa personne, dans son âme. Et il ne va pas être puni pour ça. Parce que ça fait partie de son tempérament ou de sa personnalité. Il est peureux. C'est inné. Non. La même chose pour la personne qui est avare par de façon innée aussi. C'est son âme qui est créée comme ça. Il est de tempérament avare. Il aime, parce qu'il dit, l'âme, elle a été créée comme ça. Elle aime l'argent. Elle aime les biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement dans le verset 20 dans surat al-Fajr, et vous aimez l'argent, les biens, d'un amour immense. Hubban jamma. Donc c'est une caractéristique qui fait partie de l'être humain, d'aimer les biens. Sauf que, il dit, c'est pas quelque chose que tu as acquis, c'est quelque chose qui est inné, et donc, mais par contre, c'est possible d'essayer de lutter contre ta personne pour essayer de dépasser cette caractéristique ou de dépasser ce tempérament-là pour t'en débarrasser. Et pour, comme par exemple, si tu es une personne qui est avare, tu peux essayer de faire des efforts pour donner en sadaqa. Tu fais des aumônes ou bien tu vas dépenser de tes biens. Hein? Mais sinon, si tu es avare, on va pas te demander des comptes, Allah va pas te demander des comptes parce que tu es avare, excepté si ton avarice t'empêche de donner ce qui est obligatoire. Soit de la zakat, ou bien de la dépense envers ceux qui sont sous ta charge, dans ta famille, dans tes proches. Donc si par exemple, t'es tellement avare que tu ne veux même pas donner ou dépenser de tes biens pour ta propre famille, ta femme et tes enfants, là c'est grave. Hein? Ou bien tu dois payer la zakat et ça c'est obligatoire, mais ton avarice t'empêche de la donner, ça c'est dangereux. Mais sinon en dehors de ça, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Si quelqu'un il est avare là-dessus, dans ces choses-là, il ne va pas être puni pour ça. C'est ça que ça signifie. Et il dit, Naam, La même chose pour la personne qui est peureuse. Le cheikh, il n'a pas mentionné l'exemple, mais c'est compris dans l'exemple que le cheikh a donné à propos de la personne qui est avare. La personne qui est peureuse, c'est la même chose. Elle peut être peureuse de nature, mais elle va se forcer à prendre des positions dans des moments difficiles qui demandent du courage pour se forcer à être courageuse. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va être satisfaite d'avoir peur. Et donc, elle va essayer de changer et de devenir plus courageuse. Et en ce qui concerne le mensonge, par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, le croyant ne peut pas être menteur. Et il dit pourquoi ? Parce que le croyant, hein, il ne peut pas être menteur parce que le mensonge est une caractéristique de l'hypocrite. Le mensonge est une caractéristique du munafiq. Et donc le cheikh dit wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiqi thalas idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan wa laqad taqaddama ma'ana fi bidayatil bab nafyul imani 'anil ladhina yakdhibun. فإما أن ينفى أصل الإيمان فيكون كافرا وإما أن ينفى كمال الإيمان فيكون مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيمان يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان والحاصل أن المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء في القول أو الفعل. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le munafiq, il a trois signes par lesquels on peut le reconnaître. Et ces trois signes, c'est que lorsqu'il parle, il ment. Ça c'est le premier. Donc une des caractéristiques de l'hypocrite, c'est ça, le mensonge. Et lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui donne un dépôt, hein, on lui donne un dépôt et quelque chose qu'on lui confie, il trahit la confiance qu'on lui a donnée. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Le deuxième c'est si il promet, oui, je te promets, je vais faire ça. Il manque à sa promesse. Et le troisième, Iza Tumina Khan. On lui a donné une amana, hein, on lui a remis un dépôt, quelque chose, un gage, quelque chose qu'il doit... Hein, qu'on lui a confié pour faire et il trahit la confiance qu'on lui donne. Et on va voir plus loin, il y a dans le chapitre suivant, il y a l'autre narration qui mentionne aussi wa idha ahada radar. Wa idha ahada radar. C'est-à-dire lorsqu'il donne un engagement, il donne sa parole ou il donne un serment et il trahit Son pacte ou son engagement. Ouais, ça c'est dans un autre hadith. Troisième, c'est lorsqu'on lui donne un dépôt, hein, il trahit. Il trahit la confiance déjà. Et le cheikh, il dit, on a parlé de ça au début du chapitre, et on a dit que il y a dans ce hadith donc la négation de la foi vis-à-vis de ceux qui mentent. Mais on a expliqué que on ne nie pas, c'est soit qu'on nie la base de la foi, dans ce cas-là la personne est mécréante, ou bien qu'on nie la perfection de la foi. C'est-à-dire que la personne, sa foi elle est, il est croyant mais sa foi elle est déficiente ou elle est faible. Il n'est pas kafir dans ce cas-là. D'accord ? Donc, le croyant, s'il ment, eh bien, sa foi est faible. Ça veut dire que sa foi, elle est faible. Il est un pécheur. Et donc, il n'a pas perdu la base de sa foi. Il est toujours, à la base, croyant. Mais il n'est pas un croyant qui est fort ou qui a une foi forte. Celui qui est, c'est ça. Et parce qu'on va le voir dans le cours précédent, dans le cours prochain, inshallah, le prochain cours, que l'hypocrisie, al-nifaq, il est divisé en deux catégories. Al-nifaq al-akbar ou النفاق الأصغر, l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. L'hypocrisie majeure, c'est l'hypocrisie mineure, c'est qu'est-ce qui fait pas sortir de l'islam. Naam. Et aussi, on dit parfois النفاق العملي والنفاق القلبي, c'est-à-dire l'hypocrisie dans les actions. Ça, c'est quand tu fais une forme d'hypocrisie qui, comme par exemple, mentir, manquer à ta promesse, des choses comme ça. Et ça, c'est amali, c'est dans les actions. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas perdre la foi. Donc, ça ne détruit pas la foi complètement. Ça diminue la foi seulement. Et al-nifaq al-qalbi, c'est-à-dire l'hypocrisie du cœur. Lorsque quelqu'un il rejette la foi dans son cœur, ou il doute en la vérité, ou il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il déteste l'islam, ou il déteste la charia, ou des choses comme ça, ça c'est le nifaq al-qalbi. Et ça, c'est, ça veut dire que ça c'est du kufr. Naam. Et donc le cheikh il dit, le croyant il doit s'éloigner du mensonge, peu importe que ce soit dans les paroles ou dans les actions. Et il termine le cheikh avec les paroles suivantes. Il dit wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn Umar idha kadhaba al-'abd taba'ada al-malak maylan min natni ma ja'a bihi al-ma'na anna al-'abd yani idha kadhaba walaw marratan wahida taba'ada 'anhu al-malak الذي يسجل أعماله وأقواله بسبب نتن ما جاء به لأن الكذب له رائحة يعني معنوية لا نشعر بها ولكن الملك يشعر بها وفي هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب أن الملك أن الملائكة الحفظة ينفرون منه من سوء ما جاء به العبد. نعم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le hadith suivant qui est rapporté selon Ibn Omar, il dit donc lorsque le serviteur fait un péché, l'ange s'éloigne de lui de la distance, d'une distance à cause de la puanteur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et la signification de ça, c'est que le mensonge, même si quelqu'un il ment une fois, l'ange s'éloigne. L'ange s'éloigne, c'est-à-dire l'ange qui enregistre ses actions et ses paroles à cause de la puanteur de ce qu'il a ramené comme mensonge, parce que le mensonge a une mauvaise odeur, qui est une odeur abstraite, c'est-à-dire c'est pas une odeur concrète ou réelle qu'on peut sentir nous, mais c'est une senteur qui est abstraite, que nous on réalise pas, mais les anges eux ils le sentent. Et yani il dit que ça c'est pour yani ajouter à qu'est-ce que on a mentionné des méfaits du mensonge, en plus de qu'est-ce qu'on a dit précédemment, c'est que les anges qui écrivent nos œuvres, ils s'éloignent ou ils s'enfuient de celui qui ment à cause du mal que ça représente. Naam, l'ange qui écrit ses œuvres. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. Le chapitre suivant, c'est Bab Maja'a fi Ikhlaf al-Wa'd. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du fait de manquer à sa promesse. De manquer à sa promesse. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.